cheveux sombres et retombés sur son visage d'ombre. Elle regarde sur le côté, un peu plus loin, caressée de quelques fleurs mauves. Son chapeau de paille se penche un peu vers le ciel, le sol, un peu plus loin. S'éveille doucement et se laisse endormir encore un peu plus loin. De quelle couleur est ce jour? Sans doute qu'il glisse du bleu au noir. Il aurait fallu se dire un peu plus loin. Elle fait des pas. Des pas qui vont vers où, qui vont vers quoi.